Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marvelicious. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Donc, c'est le premier de l'année 2026, mais c'est aussi un épisode spécial où nous allons parler des séries prévues pour cette année 2026. Et aujourd'hui, on va mettre un peu de côté les films et puis les personnages. Alors que vous soyez en voiture, au travail, j'ai même appris que certains m'écoutaient à la salle de sport. Voilà. Ou simplement chez vous, allongé sur votre canapé, ou si vous voulez vous endormir avec ma voix et la voix de mes compatriotes, eh bien installez-vous confortablement, car dans cet épisode, vous allez découvrir d'ailleurs toutes les nouveautés, les annonces et les tendances côté série Marvel pour l'année 2026. Bonjour les beaux gosses. Bonjour. Ils sont deux. Et vous savez, alors j'ai oublié de vous le dire parce que on se voit en off, mais j'ai appris qu'on nous écoutait à la salle de sport. Ça c'est pas mal. Ça oui. Fait quoi Les gens suent en nous écoutant. C'est beau. Ils aiment peut-être souffrir doublement. Non, je pense. Voilà. Alors, on est en compagnie de deux copains, des vrais copains, deux copains habituels. Donc, notre ami de Just Dream It. Hein. Mon petit Tony, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir invité. Bon, de toute façon, on s'invite tous. J'ai vu la lumière, je suis rentré. Ouais, c'est ça en fait. Il n'y a pas un jour où on s'invite pas entre nous. Mais en même temps, on commence, il sent bien. Voilà. Voilà. Bonne dynamique. Bonne dynamique. Voilà. Et notre ami, oh, le beau gosse, mon frère de cheveux, ou pas. Voilà. Le créateur et concepteur de Magic Mouse Party. Bonjour Olivier. Bonjour tout le monde. Ça va? Ça va. Et enfin, bonne année. Un peu le... On a créé Magic Mouse ensemble, je te rappelle. Oui, c'est ton truc. Pff, non, je t'ai aidé à trouver le nom. C'est tout. Je n'ai rien fait on du a tout. Ça, c'est énorme, je te rappelle. Oui, c'est vrai. Oui, et on était, je ne sais plus dans quelle boutique. Floras Boutique. Floras Boutique, voilà, c'est ça. À l'entrée de Main Street. Mais à ne pas confondre avec d'autres boutiques qui peuvent être à d'autres endroits et qui bougent parfois, mais ça, c'est vrai qu'ils bougent. Écoute, t'as pas de bol, j'étais témoin que c'était bien en face. Voilà. Ouais. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler des séries Marvel, les copains. Donc, j'espère que vous êtes ready. On va faire un épisode chill. On va parler tranquillement et puis on verra un autre épisode de ce qu'on pourrait faire, notamment des films à venir. Il y aura Mero en plus, donc, qui m'a dit qu'il était intéressé. Donc, je lui ai dit OK. Donc voilà. Donc, je vous propose c'est de commencer par cette série qui va. C'est la semaine prochaine. On est le 22. On enregistre, donc du coup, c'est 27 ou 28, je sais plus. 27. Le 27, il y a la série Wonder Man, une série qui va passer sur Disney+, parce que du coup, Marvel, c'est Disney+. Voilà, et il y est, alors, du coup, j'ai regardé, j'ai compté, c'est la 17e série télévisée de Marvel. Ça fait beaucoup quand même. Waouh! Oui. Non. Mais il n'y en a pas beaucoup qui nous ont remarqué parce que je n'aurais pas dit autant. Oui, c'est ça, je n'ai pas 17 ans. Non. C'est laquelle la dernière qui vous a marqué, vous? Moi, c'est Loki en saison 2. Alors, qui m'a marqué positivement, ouais, je dirais. Daredevil, quand même. Oui, Daredevil aussi, oui. Oui, pardon. Oui, Daredevil. Ah, ouais, plus récent. Hein. Oui. Une qui m'a marqué, mais très négativement, c'était Ironheart. Non. Je n'ai pas passé celle-là. Je crois que c'est un peu tout le monde. Celle-là, il n'y a pas eu moyen. J'ai bien aimé, c'est Rise of Wakanda. Ah, Rise of Wakanda, ouais, il est bien. Il est très bien. Nadège, très bien aimé. Ouais. Ouais. Et toi, Olivier, c'est quoi la dernière qui t'a marqué, toi? Positivement, on va dire. Daredevil. Je pense que c'est Daredevil, ouais. Je suis en train de réfléchir, il n'y a rien de terrible après, je crois. D'accord. Bon, donc on a cette série qui va revoir un personnage connu par, qui s'appelait Le Mandarin, si vous vous souvenez, Ben Kingsley. Ouais. Ouais. Vous aimez bien cet acteur-là ou pas? J'adore cet acteur. C'est vrai? C'est vrai qu'il est bien. Ouais. Il est incroyable. Il peut jouer dans plein de trucs. Là, j'avais bien aimé, c'était dans la stratégie d'Endor. Hein, oui, dans la stratégie d'Endor, le film où c'est un gamin qui gagne une guerre contre des extraterrestres. Il a le visage complètement tatoué. D'accord. Et d'ailleurs, il y a Harrison Ford aussi qui joue dans ce film. Il a mouillé plutôt. J'ai pas compris. J'ai raté quelque chose. J'ai raté une blague. Je sais pas, j'ai raté une blague. Mais il était tatoué, non ? Je l'ai été amoué. Ok, voilà. C'est moi, j'ai des drums dégueulasses. Voilà. Ouais. Ah non, elles sont moches. Mais en même temps, vous me donnez pas le vôtre. Donc du coup, je mets bah, celui que j'ai trouvé. Après, ils sont intégrés, mais il faudrait que je sais les télécharger. Oui, et puis jouer le mandarin dans Shang-Chi. Mm-hmm. J'ai adoré dans Shang-Chi avec son chien sans tête, là. Marcel, je crois qu'il s'appelait, non ? C'était ça. Maurice. C'était pas Maurice. Ah, Maurice. Je sais plus. Dans Shang-Chi. Et on l'avait dans Iron Man 3, Là, qu'il était très bon. Donc, on a le personnage de Simon Williams, qui est un acteur qui est basé à Los Angeles, qui va se transformer en super-héros. Enfin, du moins, déjà, on a l'impression qu'il l'est déjà. Ouais. Et il va incarner un vieux super-héros télévisé qui s'appelait le Wonder Man, c'est ce qu'on comprend. Hein. Ouais. Et il est accompagné de Trevor Slattery, Trevor que l'on connaît justement comme le Mandarin dans Iron Man 3. Et il jouait aussi dans Shang-Chi. Donc on découvre vite que Simon Williams est acteur hollywoodien en devenir. Alors, je sais pas à vous, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas très célèbre. Mais qu'au fur et à mesure, il le devient. J'ai l'impression qu'il a fait des petits rôles, tu vois. Ça a l'air d'être celui qui a fait des petits rôles à gauche, à droite. Et, Dans la série, tu veux dire ou dans, la série, dans, ouais. dans la série. Dans la série. Ah, ouais. Je sais pas si t'as vu le trailer, mais on a l'impression. C'est le méchant dans Aquaman. Voilà. Oui, c'est le méchant dans Aquaman, c'est vrai. Mm. C'est pas la même franchise, mais voilà. Ouais. Voilà, et puis. Alors, je sais pas trop quel rôle va avoir Trevor. Donc, je pense pas que ce soit un rôle de mentor. J'ai pas cette impression-là. Il a l'air d'être un peu là pour le coacher. Enfin, tu vois, c'est un peu un coach artistique, quoi. Je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il joue aussi dans le même film qu'il doit produire. Ah, peut-être, ouais. Donc Simon, va apprendre que il y a un réalisateur qui s'appelle Von Kovac, qui est apparemment célèbre. Hein, je sais pas si vous avez vu le trailer, et qui prépare un remake justement du film de super-héros Wonder Man. Et le truc qui est un peu bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, la condition pour incarner le rôle de Wonder Man, c'est de ne pas avoir de pouvoir. Ouais. Ouais, il signe un contrat d'ailleurs. Ouais, il signe un contrat, comme quoi. Voilà. Et je pense. Comment ? C'est de là qu'ils vont tirer tout l'humour de la série, je pense. Ouais, je pense qu'il va essayer de les cacher. Voilà. Alors, il y avait une pointe d'humour qui m'a fait marrer. Je sais pas, j'ai regardé le trailer tout à l'heure avant de l'enregistrer 2-3 fois. Et dans le trailer, à un moment, il y a un dialogue qui dit. Lui, c'est Von Kovac, un réalisateur qui cherche à mettre fin au déclin des films de super-héros. Oui, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, je dis, c'est Marvel ou quoi là, qui s'auto... clash. Oui, enfin oui. Enfin, il tourne le déclin, c'est pas parce qu'il y a un déclin, c'est parce que les films sont nuls. Oui, voilà. Oui, mais je pense qu'ils se sont auto-clashés quand ils ont dit ça. Mais j'ai l'impression aussi que Trevor et Simon, ils sont... Alors, soit Trevor est un peu acteur paumé, alors que Simon, il essaye de progresser, ou est-ce qu'ils sont deux acteurs, un qui est en fin de carrière, tu vois, et l'autre qui est en début de carrière. J'arrive pas à peu près à voir l'interaction. C'est que tu as Trevor qui est là un peu en mode je suis sur la fin de ma carrière et j'essaie de retrouver un rôle plus... Pour dire d'avoir, enfin, quand tu vois, à mon avis, il passe des auditions pour des pubs ou quoi. Quand tu vois les deux filles qui disent, mais il était pas terroriste lui, enfin, tu vois, rien que ça, c'était marrant. Mais j'ai l'impression qu'il passe un peu des petites auditions pour dire d'avoir du boulot sans forcément être un grand acteur, quoi. Enfin, c'est un peu l'impression. De toute façon, je pense que ça a l'air, comme on dit, complètement what the fuck. Ça peut marcher, pas sûr que. Dans le positif, je dis ça, mais. Je suis pas sûr que dans le trailer on ait vraiment l'explication du thème. Je pense que ça va être plutôt, tu vois, ça va pas être l'ensemble de la série, ça va être les deux premiers épisodes ou quelque chose comme ça. Mmh. Je pense que c'est l'introduction de l'histoire, je pense. C'est possible. Ouais, c'est possible. Parce que on voit bien qu'il y a une progression qui se fait. J'ai hâte de voir comment il récupère ses pouvoirs. Parce que dans les comics, je vous avais dit, je connaissais pas trop Wonder Man, mais je me suis renseigné. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il travaille avec le Baron Zemo et il prend une charge. Je sais pas, le Baron Zemo, j'ai pas trop compris. Il doit manipuler une machine et il prend des charges ioniques. Et Wonder et Simon Williams a ses pouvoirs à cause de cette surcharge ionique. Là, je sais pas du tout. J'ai pas l'impression qu'on est dans la même vibe que dans les comics. Je vois mal Zemo dans cette série. Ah ouais, aussi. Enfin, après, on peut être surpris, tu veux venir. Parce que vu que Zemo. Ouais, c'est clair. Mais après, on est à Los Angeles, Zemo, je crois qu'il est plus là, lui. Il doit être à Madrid pour. Mais pour dire, c'est que j'ai pas cette impression que ce soit le Wonder Man des comics. Voilà, donc on verra. Parce qu'il est pas acteur du tout, il travaille dans une entreprise familiale d'armes. Rien à voir. Du coup. Donc, voilà. Et on verra ce que ça va donner. En tout cas, c'est vrai que ça a l'air drôle. Plus drôle que... Je sais pas, vous pensez que c'est une série plutôt humoristique ou pas? Parce que moi, j'ai une petite théorie, mais... Moi, je pense que c'est un truc assez drôle, ouais. Bah, c'est sur l'humour exclusivement. Non, moi, je pense que c'est... Je te dis, c'est... Je vois pas toute la... Enfin, je m'imagine pas toute la série comme ça. Je pense que c'est plus une introduction, tu vois. Mais si, attends, ce qu'on a vu du trailer, c'est peut-être les deux premiers épisodes et qu'ensuite le reste sera différent. Tu vois, moi je m'attendrais peut-être à un truc comme ça. Ouais. Ouais, parce que ils ont eu une mauvaise réputation que Love and Thunder de parce que c'était trop déconnade, donc je pense que. Alors. À mon avis, tu vois, je vois bien le truc comme WandaVision un peu, tu vois, un truc où c'est pas ce qu'on croit. Alors, je sais pas si vous avez regardé, j'ai regardé un petit peu comment ils ont fait la promo, parce que des fois, je trouve ça intéressant, comment ils font la promotion d'une série. Et j'ai regardé un peu, et en fait, la promo d'une série, j'ai l'impression que cette série-là, ça va être une série d'espionnage. Parce que quand tu regardes, alors je sais pas si vous avez regardé un petit peu, mais ou si vous avez internet vite fait pour fast-checker, en fait, quand ils présentent... ils présentent la série dans des affiches, etc., en fait, on a l'impression c'est on a en fait t'as Simon et Trevor qui apparaissent sur des documents secrets, c'est top secret. T'as leur tête et t'as top secret comme un fichier du FBI, tu vois. Et donc du coup, tu peux fast checker, hein, tu regardes un petit peu les images et tu verras en fait t'as une forme de pile de dossiers qui rappelle un peu les piles de documents secrets. Et comme s'il y avait un sorte de projet d'espionnage où il y avait quelqu'un derrière qui analysait un petit peu ce que font Trevor et Simon. Et la deuxième chose qui me dit que c'est une série d'espionnage, c'est qu'à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un gars qui se fait passer, qui dit qu'il est représentant du Damage Control. On les avait vus dans Miss Marvel, ouais. Ça doit être ça. C'est dans Miss Marvel qu'on l'avait vu. Et où c'était, ouais. Je crois que c'était Service Secret qui faisait la régulation des... Le Damage Control, c'était, ça avait été fondé par Stark et une partie du Shield pour gérer tout ce qui était Super-humain, après une bataille. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me pose la question de savoir si c'est pas une série d'espionnage, comme humoristique, et que justement... Simon et Trevor vont pas faire l'objet, on va dire. Que le réalisateur soit un super méchant, ouais, et... tu vois. Un super vilain, et que justement, il faut qu'il, en tournant le film, qu'il travaille pour le Damage Control. C'est comme ça que je le perçois. Juste pour la promo, je sais pas, vous avez peut-être regardé vite fait là la promotion. Mais tu vois, que ça fait genre des documents secrets. Ouais, c'est vrai. Avec ouais. leur tête, et puis je me dis, bon, ça se trouve, Von Kovac, c'est un super vilain, et puis du coup, t'as Trevor et Simon qui vont devoir. C'est un peu à la manière d'un cassable, en fait. Ah, le film, oui. Avec Bruce. Ah, ouais. Ah, j'ai tu pas vois, fait. Ça me fait penser à ça, là, ce que tu dis. En fait, tu vois, c'est il se rend pas compte que c'est vraiment un super héros. Et on va se rendre compte que le réalisateur est peut-être un super vilain, ouais, je sais pas. Il en a la tête en tout cas. Et c'est vrai qu'il en a la tête. Puis la différence aussi, je me dis, c'est peut-être aussi une série d'espionnage aussi. Parce que la plupart des films Marvel se passent à New York. Et là, on est à Los Angeles. Et la dernière fois qu'on était à Los Angeles, c'était She-Hulk. C'était elle. Oui, parce que oui, Miss Marvel, c'était dans la Jersey. Marvel, c'était à New York aussi. Ouais. Ouais, je me dis, on est sur la côte ouest maintenant. Tu vois, on n'est plus sur la côte est. Et je me dis, peut-être que là, justement, ils vont commencer à intégrer des super-héros. Après, ouais, t'as les East Coast Avengers aussi. Hein. Oui, les West Coast Avengers. Ouais. West Coast avec Vision Quest, justement, avec le White Vision. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'ils vont commencer à poser les bases de ça D'ailleurs, Wonder Man, dans les comics, c'est l'un des créateurs des West Avengers. Ouais, je pense, hein, il me semble. Voilà. Je me suis dit, bon, peut-être qu'on verra She-Hulk, j'espère, vu qu'elle vit dans le même endroit. Ça serait bien. Ouais, non, sauf que je pense que l'actrice a dit qu'elle reprendrait plus le rôle. Merci, dans Avengers aligné. Non, c'est Disney qui... Non, il n'y est plus. Non, il y sera plus. Hein. J'ai fait un truc. La boîte de Disney, donc elle y sera plus. Mais non. Si, si. Mais non. Je suis dans le déni, là. Mais non. Tu peux. Tu es dans le déni, mais nous, on passe l'information. Non, mais Olivier devrait être triste parce que comment il adore cette actrice-là. Ah, j'adore. Ah ouais, elle est exceptionnelle, mais pas dans She-Hulk. Si. C'est juste que vous n'avez pas apprécié la série à sa juste valeur. C'est tout. C'est tout. Je pense que tu es le seul à avoir trouvé de la valeur dans cette série. Mais bon, ça, c'est un débat. Vous êtes médisant. Bon, hâte ou pas de voir cette série. Alors, Olivier. J'étais surpris. Tes impressions. En fait, j'avais déjà vu un teaser comme la bande-annonce, beaucoup plus court. Et là, je m'étais dit, c'est quoi cette connerie? C'est quoi cette série de merde? Ça m'avait pas plu du tout. Et là, la bande-annonce donc, est plus longue, ça dure à peu près 2 minutes. Ouais. C'est bien rythmé, c'est bien fait. En plus, j'adore les 3 acteurs, le réalisateur et puis les 2 comparses de la série, qui sont des acteurs que j'aime beaucoup. Donc, et puis, ça m'a fait rire. Voilà. Après, j'ai quand même un peu peur. Enfin, ils nous font un truc. Parce qu'il faut savoir que le mandarin dans Iron Man 3, ça a quand même pas beaucoup plu au. Ils ont dit que ça a sauvé Iron Man 3, Ben Kingsley. Il y en a beaucoup qui disaient que sans Ben Kingsley. Moi, je connais mais le fait d'avoir fait un clown comme ça, c'est un peu triste. Quoi. Clown triste. Ouais, voilà. Donc, ça, il n'a pas été le vrai mandarin, tu vois. Ça l'a toujours pas. Le mandarin, il n'existe pas. Quoi. Donc, ouais, pas. C'est un clown. Ça n'a pas trop plu aux fans à l'époque. Et puis ce personnage, ils le mettent constamment, pas en avant, mais ils le mettent dans Shang-Chi. Oui, mais dans Shang-Chi, il apporte quelque chose, tu vois. Il apporte vraiment quelque chose dans Shang-Chi, je trouve. C'est digne de service, quand même. Ouais, mais c'est pas gênant. Il a quand même. Moi, je trouve pas ça gênant. Enfin, après. Non, tout à fait. Ça va avec le ton du film. Mais là, ils nous remettent une dose avec lui. Pourquoi pas, remarque, en même temps, si c'est sur les comédiens, pourquoi pas, c'est logique. Mais j'ai. C'est-à-dire, je sais pas combien il y a d'épisodes de prévu. 6 ou 8, non, c'est ça? 8. C'est ça ou pas? 8, je crois que c'est 8. 8. Je crois qu'on n'a pas les 2 premiers du premier jour, je sais plus. Enfin, en fait, on s'est tellement pu avec Disney+, des fois, ils te mettent tout d'un coup, deux au début. Ils mettent tout d'un coup, normalement, la grande. Un par semaine, ou un par jour. Non, je sais plus, ils vont en mettre 3 par semaine ou un truc comme ça. Là ici, je vois qu'il y en a 8 de prévu, mais je vois pas de planning de sortie. Ouais, bon après. D'accord. Et puis je me dis, tu vois ce qu'on a vu dans le trailer, c'est pas possible que ça dure sur les 8 épisodes. Non, donc, c'est non, chose, non, non, c'est. Chose, c'est... Bon, voilà. Donc, je pense que c'est quand il sera. J'attends de voir. Pareil, le problème, c'est que ça hype personne. Parce que le personnage intéresse personne, encore une fois. Quoi. Bah, il est pas connu. Mais c'est pas pour ça que ça va pas être bien. Donc, enfin, il y a Trevor, ça va. Ouais, mais c'est pas. Bah, ils ont intérêt d'avoir fait un scénario dedans. Non, c'est pas suffisant pour. Je les vois pas cartonner avec cette série, mais bon. Après... Non, mais honnêtement, quand j'avais vu le premier teaser, j'avais pas du tout accroché. Enfin, j'en avais même parlé là sur notre conversation. J'ai dit que vous ne bottez pas plus. Honnêtement, là, j'avais même pas regardé la bande annonce parce que t'as dit qu'on en parlerait. Du coup, j'ai regardé. Et en fait, ça me plaît déjà un peu plus. Mais oui, ça va pas être le gros truc de l'année, quoi. Non, ça va pas être le gros truc de l'année. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Voilà, c'est pas ça qui va relever. Donc on va dire curieux. De Marvel, on va dire. Même si c'est réussi. Curieux. Ça va avoir l'effet Skeleton Crew, quoi, en fait. Oui, Skeleton Crew, c'était réussi, ça. Qui était une bonne série, mais qui a pas marché parce que les gens font plus confiance. Alors qu'elle était tellement bien. Oui. Les Goonies dans l'espace, les gars, qu'est-ce qu'ils pouvaient rater? Ah ouais. Bah, en tout cas, la curiosité va faire qu'on va regarder la série et puis voilà. Mais je sais même pas combien de temps dure chaque épisode. Mais je vois, trouve pas d'infos en fait. Ouais, ça, c'est comme d'habitude, 20 minutes ou 40 minutes, un truc, ouais, un truc comme ça. Ouais, ouais. Bon, moi je pense qu'on a fait le tour de cette série. On va avoir la curiosité qui va nous titiller la semaine prochaine pour voir un petit peu. Puis ça se trouve, ça va être cool. Puis ça fait un moment qu'on n'a pas eu de série Disney Plus aussi, Marvel. Oui, puis c'est un truc. Enfin, tu vois, le ton a l'air assez léger, donc ça peut aussi faire du bien, ça. Oui, c'est vrai. Un truc un peu plus léger avant de rentrer dans le tunnel de White Vision, de Spider-Man et puis Doomsday en fin d'année. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression que là, on va tomber sur des trucs un peu plus sombres qui vont préparer Doomsday. Et je me dis, là, ça peut être bien d'avoir un truc un peu léger. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Deuxième série que j'ai qui est donc la saison 2, donc on en a parlé tout à l'heure, mais vous avez vu Daredevil Born Again, donc la saison 2 Donc déjà, comment, de manière générale, vous avez trouvé la saison 1 ? La saison 1 ? Oui. Avant, bah, c'est un chef-d'œuvre. Si. Ben moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Quoi, de Born Again, tu veux dire, ou la saison 1 de Born Again. Born Again. Ah, non, non, non, non. C'est quand même un petit peu en dessous de ce que faisait Netflix, quand même. Oui, un peu en dessous. Mais je trouve que quand même, dès que tu vois Punisher, ça a monté de cran la série, quand même. Ouais, quand, ouais, quand il a rencontré... Il y a des scènes étonnamment violentes pour du Disney. Il y a des scènes un peu bien gore, quand même. Ouais. Là, c'est violent. C'est... Hein. Les comics d'Ardeville sont violents. Oui, oui, non, mais bien, il est fait, toujours en sang, à se battre. Même pour du Disney, je me suis dit, c'est quand même assez surprenant. Non, non, c'était une série de qualité. J'ai beaucoup aimé, mais hein, quand même en dessous des saisons de Netflix. Quand même. Ouais, mais ça faisait du bien de le revoir après plusieurs années. Oui, et puis surtout de le voir un peu différent. Enfin, bon, après, je pense qu'on va pas trop spoiler non plus en le disant, mais je trouve que ce qu'ils ont fait à Foggy... Moi, ça m'a choqué, tu vois, en début de saison comme ça. Ok, bon, ben, oui, on va y aller. Que l'acteur a signé pour la saison 2. Oui, la saison, oui, saison 2. Il y a un comics où, en fait, il n'est pas mort réellement, il travaille pour le FBI. D'accord. Il y a un comics, il fait croire à tout le monde qu'il est mort, en fait, il ne l'est pas. Voilà. Ok. Donc, on a le casting à peu près complet de la saison 2 qui a été annoncé. Donc, Charlie Cox, bien sûr. Qui revient dans le rôle de Daredevil, Vincent D'Onofrio, bon, je pense que ça me fisque, Karen Page qui revient, il y a Bullseye, Vanessa et toute l'équipe des Defenders. Est-ce que vous avez vu, parce que je vous en parlais des séries Netflix, Jessica Jones, Luke Cage et puis Iron Fist, vous les avez vus ou pas, ces séries là? Oui, bien sûr. Ouais. J'ai vu les premières saisons de chaque, mais j'ai pas forcément vu les deuxièmes. Ah, c'est vrai, t'as pas toutes vues? En fait, quand ils ont fait les Defenders, j'ai pas trop aimé les Defenders. Et du coup, ça m'a... C'est vrai que t'as pas aimé les Defenders ? Moi, j'adorais. J'ai pas trop aimé. Et du coup, ça m'a un peu. J'ai un peu lâché les séries Netflix, à part Daredevil, parce que c'était vraiment celle que je préférais. Mais du coup, j'ai un peu lâché les séries Netflix à cause de ça. D'accord. Moi, j'ai adoré Jessica Jones, enfin la saison de. Ouais, Jessica Jones, c'est la première, avec l'homme pourpre. Ouais. L'acteur, j'ai oublié son nom, David Tennant, qui est absolument ouais, il est incroyable. J'ai beaucoup aimé les Luke Cage. Les deux saisons, en plus, j'adore l'acteur. J'adore l'acteur, mais j'ai accroché. J'ai trouvé une accroché, moi. Ah non, j'ai bien aimé, moi. Par contre, Iron Fist, j'ai pas du tout accroché. Ah, c'est particulier. Puis Danny Rand, c'est particulier comme personne super-héros. Puis quand t'es pas forcément attaché à un super-héros, c'est pas évident de... Ou t'en le connais pas trop, ouais. Ouais. Et vous n'avez pas forcément apprécié Defenders ? Non, non, parce que c'était quand même arrivé peu de temps. Il y avait encore du Avengers au cinéma, quoi. Mmh. Et quand ils balancent ça, mettre nos Avengers à nous, ça fait un peu souffler. C'est fou, moi. J'ai pas trouvé ça exceptionnel, loin de là. C'était décevant, on va dire. Ouais. Ah oui, franchement, j'ai bien aimé l'histoire, puis le retour d'Electra, enfin... Ah, c'était cool, hein, mais je sais pas, j'ai pas. Avec, j'ai bien aimé les derniers épisodes où tu savais pas trop ce que devenait Daredevil et tout. Enfin, puis avec l'histoire de la main, tu sais, vu que c'était la main, je crois, qui était l'organisation de la main, et puis tu dis waouh, c'est une vraie organisation. Alors, à votre avis, elle va tourner autour de quoi l'histoire de la saison 2 ? Je sais pas s'ils ont pas changé d'ailleurs leur fusil d'épaule, parce qu'en fait, la saison a malheureusement pas du tout fonctionné. Alors que oui, c'est toujours pareil. T'as des séries que c'est de la merde, ça fonctionne, et puis t'as des séries, elles sont bien, elles fonctionnent pas. Mais en fait, c'est ce que je te dis, c'est les gens ont plus confiance. Mmh. Ils prennent même plus la peine d'essayer de regarder. Donc, on a le cas avec Star Wars, on a le cas avec Marvel. Donc, C'est pas justement Star Wars. Il y a que les Avengers qui peut les sauver de toute façon. Parce que Ethan Crew, c'est pas pareil, ça a pas marché, je crois, ça sur Star Wars. Oui, c'est ce que je te dis. Ouais, c'est génial, mais personne. Personne n'a regardé. Ouais. Et tout le monde a dû se dire ça va être pourri comme le reste. Quoi. Donc, est-ce qu'avec l'arrivée de... c'est quoi, c'est Hulu sur Disney+, ça va peut-être booster les gens à regarder un peu plus. Parce que maintenant, l'offre Disney+, c'est les plus grandes qu'à une époque. Bah, c'est pas sur Hulu. Hein. Non, c'est pas sur Hulu, mais tu sais que maintenant, t'as Hulu Sport, donc tu te dis, bon, t'as plus de choix. C'est la même chose, c'est Star. Hein. T'avais déjà ton truc avec Star. Hein. Oui, mais... C'est la même chose. Ouais. C'est le nom qui change. Bon, on verra. Après... Moi, j'aime. En Europe, ça parle à personne. Non, c'est vrai. Du coup, t'as pas forcément d'idée à quelle histoire ce serait. Non, et je t'avouerai, je me rappelle même plus comment ça se termine. Ah, on va en parler tout à l'heure. Enfin, dans un instant. Et toi, tu te souviens comment ça se termine? Honnêtement, non. Je suis en train de poser la même question. Non, je ne sais plus comment ça finit. Wilson Fisk qui fait une prison pour super-héros de rue. Ouais. Ça ne dit rien, ça? Alors, moi, je... Pour avoir... Alors, l'un de mes arcs préférés des Marvel, c'est Devil Reign. En fait, c'est l'arc du comic, c'est que Wilson Fisk est maire de New York et il crée les Thunderbolts, entre guillemets, voilà, qui est une équipe de super vilains pour arrêter des super héros de rue. Et donc, tu as Daredevil, t'as Spider-Man, etc. Donc, il crée une sorte de police, la police municipale Thunderbolt, tu vois, comme ça, qui est là pour arrêter les super héros de rue. Et j'ai l'impression qu'avec le retour, c'est déjà ce qu'il fait, mais là j'ai l'impression que, vu qu'il a créé une prison, est-ce qu'il va créer une milice possible. Et est-ce que justement les Defenders vont pas être là justement pour affronter entre guillemets cette milice et puis pour affronter Wilson Fisk, quoi. Voilà. Donc, alors la fin de la saison 2, alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène post-générique, va nous donner peut-être un indice. C'est le Frank Castle Punisher qui est enfermé dans une prison. Je sais pas si vous l'avez vu. La saison 2 de quoi? De Daredevil? C'est la question que je me pose, que vu que Frank Castle est enfermé dans une... Alors, Punisher ne sera pas dans la saison 2, ça c'est certain. Puisque l'acteur qui incarne Punisher a dit qu'il n'était pas dedans, je crois. Il y a une productrice qui a dit qu'il n'était pas dedans. Donc on ne verra pas Punisher dans la saison 2, puisqu'on le verra dans Spider-Man et dans son spécial. Et... je me pose la question de savoir justement ce Frank Castle, si vous vous souvenez, dans sa prison, il parle avec le gardien, il l'assomme, il lui pète le bras d'une manière méga violente d'ailleurs, je crois. Il prend la clé et puis après ça fait un blackout. Et je me pose la question de savoir justement si Wilson Fisk, il va pas péter un câble parce qu'il voit que les super-héros arrivent à sortir de sa prison, etc. Et que justement, on n'aura pas genre une chasse aux sorcières, tu vois, de Wilson Fisk dans les rues. Pour essayer de les rattraper un peu tous. Ça, et puis les réunir et les enfermer, quoi. Ouais, potentiellement, ouais. Parce que vu qu'il les rend responsables des dégâts de New York et du malheur des gens, je me pose la question de savoir justement si l'histoire de la saison 2 tournera pas autour de Wilson Fisk qui se bat contre. Qui fait une chasse aux super-héros, quoi. Je sais pas. Ouais, ça serait logique parce que c'est déjà ce qu'il a commencé dans la saison, en fait. Ouais, mais là, on irait dans toi, comme ce que Devil Reigns, par exemple, c'est. C'est 4 tomes, quoi, donc ça monte crescendo, en fait, la lutte de Wilson Fisk. Ça monte crescendo, donc je me dis, bon, voilà, c'est que... Donc, on ne verra pas Punisher. Alors par contre, ceux qui prêteront main forte à Daredevil, ça sera les Defenders, quoi. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que... ils vont se retrouver, ils vont être contents? Enfin, je sais pas vous, je suis curieux. Le truc, c'est que quand tu vois dans les Defenders sur Netflix, ouais, ils étaient ensemble, mais plus parce qu'ils n'avaient pas le choix, quoi. Tu vois, c'est quand même le Daredevil, on va dire Disney+. C'est pas vraiment. C'est entre le reboot et la suite, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est, ils ont changé de ton, ils changent de costume. Enfin, tu sens qu'en gros, ils voulaient repartir à zéro. Hein. C'est pour ça que ça s'appelait Rebirth. Et ils ont quand même pris les mêmes acteurs parce qu'ils avaient commencé à le faire avec Fix, etc. Mais je pense pas qu'ils vont faire. Parce que le but, c'est pas de. C'est Disney, ils vont pas dire pour ceux qui ont. Disney. Même s'ils ont récupéré les séries, je pense pas qu'ils vont mettre en avant ce qui a été fait avant. Ouais, mais comment. La curiosité, c'est comment ils vont les introduire? Oh, je sais pas. Ouais, mais ça va faire bizarre parce que c'est comme Daredevil, ça faisait bizarre, ça fait plusieurs années qu'on ne l'avait pas vu. Là, tu le vois et c'est comme tu dis, c'est un mix entre. Ouais, mais regarde, ils l'ont ramené dans Spider-Man en tant qu'avocat classique, tu vois, il arrivait. Dans She-Hulk, c'était pareil, il arrivait en mode il est là. Et c'est un fait, il est là. Je suis encore choqué que She-Hulk ne sera pas là. Ça m'étonnerait pas en fait qu'il fasse pareil, tu vois, c'est genre ils sont là, point. Et on les voit pas arriver, mais ils sont là. Ou ils appellent à l'aide ou ils viennent l'aider, je sais pas. Ouais, je sais pas. Bah après il reste dans New York, quoi, donc ils seront probablement impactés aussi à un moment donné par ce que Fisk pourra faire, Et du coup, bah, ils se remettront peut-être un peu tous ensemble. Quoi. Et c'est la même distribution, ce sont les mêmes acteurs ? Oui, les mêmes. Oui. Okay. En fait, ils sont apparus au fur et à mesure. Les premières photos de la production, il n'y avait que l'actrice qui joue Jessica Jones et Daredevil. Et après, ils ont réussi à choper d'autres photos, enfin d'autres photos de tournage où les autres acteurs étaient là. Mais les premières qui sont tombées. Je suis vraiment curieux parce que, bon, après, Defender fait pas forcément l'unanimité. Mais, ouais, je trouve ça bizarre. Mais en tout cas, enfin, Jessica Jones, en tout cas, ça va faire plaisir de la revoir. Ouais. Oui, puis Luke Cage, j'aime bien. Et l'actrice, elle joue super bien, celle qui joue Jessica Jones. J'aime bien ce genre d'actrice. Mais curieux. On va voir ce que ça va donner. Mais bon. Alors, je suis un peu étonné qu'on ne voit pas le Punisher, parce que l'un des premiers ennemis du Punisher, de Winston Fisk avec Daredevil, c'est Punisher, parce que Frank Castle déteste Winston Fisk. Je suis vraiment surpris qu'on ne le voit pas. Donc, je ne sais pas. Mais après, là, je viens de regarder. Alors, après, c'est la page Wikipédia, donc on ne sait jamais trop non plus. Mais il a l'air d'être quand même au casting, mais pourtant, il me semblait qu'il n'y était pas. Et là, quand tu regardes sur la page de la saison 2 de Daredevil, il est bien. C'est pas la première fois qu'ils disent qu'il n'y a pas le concept, tu vois, pour faire la surprise. Ouais, c'est l'une des productrices qui l'a dit, je crois. Qui a dit, il n'est pas dedans parce qu'il a déjà d'autres projets. C'est ce que... Donc, effectivement... Mais c'est pas la première fois, MJ, qu'ils font croire que, tu vois. Mm-hmm. Donc, comme le dernier Spider-Man, à un moment donné, il laissait planer que non, il n'y aurait pas les anciens acteurs. Oui. Enfin, Tom Holland, il s'est un peu trahi en disant ouais. Mais où sont les rien, j'ai rien dit. Ouais, c'est ça. Où sont les rien, j'ai rien dit. Mais lui, c'est le roi de la gaffe en plus, lui. C'est pas la première fois qu'il fait des gaffes comme ça. Par contre, sur IMDb, effectivement, il y est pas. Donc, j'ai plus tendance à croire IMDb que Wikipédia. Oui, parce que Wikipédia. Et l'autre question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont être là tout le long de la série aussi ? Ou est-ce qu'ils vont faire juste comme Punisher, ils sont là sur deux épisodes et puis c'est terminé, tu... Ah ouais, je verrais bien faire juste une apparition quand il y a besoin. J'espère tu vois. Pas. J'espère du one shot. Ouais. Et tu crois qu'il. Bah, je me pose la question de savoir s'il va pas les chercher à part un. Moi. Je me demande s'il va pas les chercher à part un. Mais il sait qu'il a besoin d'aide parce qu'il n'y arrive pas tout seul à combattre Wilson Fisk. Je me dis, est-ce qu'il va pas les chercher un par un ouais, qu'il a fait un peu à la mode Avengers. Ouais, je vais chercher. Jessica, vas-y, viens. Je me pose cette question-là. Est-ce qu'il va pas les faire un par un Ils ont allé Jessica bah vient, puis elle va être contente parce que ça fait du plaisir de retrouver Charlie Cox. Ça fait du remplissage, ça fait plusieurs épisodes. Ouais, c'est ça, ça te fait plusieurs épisodes. Ouais, et puis tu fais 2-3 épisodes où ça tabasse partout. Épisode sur Jessica, sur Iron Fist, et puis sur. Ouais, ça te fait déjà 3 épisodes d'aller les chercher en fait. Après, ils sont réunis. Ouais, ouais et puis après, tu fais 3 épisodes où ça castagne, et puis voilà. Moi, ça me va. Hein. Moi, je prends. Voilà. Oui, bon, de toute façon, ça marchera. Hein. Oui, oui, ça marchera. Ça reste dans la continuité de. Mais tu vois, j'ai une difficulté. Enfin, bah, tu vois, je vois que Salomé adore Daredevil en BD, mais je veux pas qu'elle regarde la série, donc elle la connaît pas la série. Quelle la série hein, pour un Ah non, mais elle la regarde pas, elle a pas le droit. Ouais. C'est mort. C'est... Voilà. Mais comment. Tu vois, elle est curieuse de se dire parce qu'elle connaît Jessica Jones, Luke Cage dans les comics. Et tu vois, elle dit mais moi je veux les voir. Je dis non, c'est assez violent, tu vois. Mm-hmm. Il y a aussi la curiosité de se dire ces personnages, comment ils vont être traités, est-ce qu'ils vont être traités de la même manière ou pas, et est-ce qu'ils vont voilà, ressembler à ceux que l'on connaît. C'est surtout Jessica Jones qui risque d'y avoir du changement. Ouais, tu crois? Bah, elle est très très sexuée quand même. Non. Ah, j'ai pas fait gaffe. Bah. Ouais, dans cette série. Elle est accro au sexe quand même. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. J'ai pas compris. Okay. Oui, bah, dans la saison. Oui, avec Luke Cage, je crois qu'elle est avec lui, non? Je sais plus. Enfin, ouais, bon, moi, elle est avec... ouais, et puis il y a des scènes assez coquines. Voilà, coquine. Elle est très branchée là-dessus. Donc, et un peu, alcool aussi, je crois, hein, à mon souvenir. Oui, en plus, oui. Je pense que tout ça, ça va être un mais peu. Mais je crois que justement, elle a pu ses plus super pouvoirs à un moment donné. Et ils ont commencé à revenir quand elle a arrêté de boire et qu'elle a commencé à. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Un truc comme ça. Donc voilà. Bon bah écoutez, on verra. En tout cas, hâte de cette saison 2. Je sais pas s'il y a une saison 3 qui est prévue. J'ai pas fait gaffe d'ailleurs. En fait, ils ont lancé la 2 parce qu'ils avaient déjà signé pour les deux saisons. Pour les deux saisons, ouais. Donc, et ça me tournerait pas à marcher. Je pense qu'ils attendent de voir si la 2 cartonne pour faire. Ouais, j'ai quand même vu des rumeurs qui parlent d'une saison 3 qui aurait déjà un vague script. Mais à mon avis, ils vont attendre de voir quand celle-ci va tourner. Oui, c'est ça, ouais. Un script, oui, il y en a peut-être un, mais. On va du coup on va rester dans l'univers Daredevil puisque bah, on n'a pas tout à l'heure. Il y a alors c'est pas une série ni un film, C'est ni un autre. C'est un spécial. Alors, je ne sais pas si c'est le vrai nom, mais c'est trop bizarre. C'est Special Presentation The Punisher. Allez, ouais, c'est dans la série des. Quand tu regardes, c'est la série des specials avec les Gardiens de la Galaxie, Joyeuse Fête et tout ça, en fait. Oui, ou Werewolf by Night aussi. Je sais pas si vous savez. Ouais, c'est ça. Il est... C'est trop bien, ça. J'avais bien aimé ça. J'avais bien aimé. Ça va être The Punisher à Pâques. The Punisher à Pâques. Ouais. Moi, c'est, ça serait une histoire de 40 minutes, quoi. Voilà. Et ouais, de ce qu'on sait, c'est que cette histoire servirait de pont entre la saison 2 et les autres. Film urbain, c'est ce qu'ils disent, mais ils n'en disent pas plus. Alors, film urbain, je me dis, il n'y en a qu'un seul et potentiel, c'est Spider-Man, le prochain. Ouais. Où justement, ouais, qu'il fasse un pont là-dessus, ouais, le Punisher apparaît. Mais en tout cas, de ce que. Alors, John Bertal, qui joue The Punisher, qui d'ailleurs vit que pour lui, et qui est à la production, au scénar. Il est partout. Il est partout. Il a promis qu'il y avait dans ce spécial du sang, des balles. De la violence, la totale. Il a dit que c'était méga violent, à tel point qu'ils ont carrément embauché un Rangers, je crois, ou un militaire des Marines pour carrément scénariser le tout, refaire les scènes si elles sont pas réelles. Voilà. Bah, c'était le cas pour Netflix, je crois. Attends, je vais regarder juste. C'est ultra violent, hein. Si, ouais, c'est ça. Il avait des. Oui, c'est ça. Il s'appelle Nick. Koumalatsos, qui était un ancien marine. Ah oui, il avait déjà aidé tout le monde à s'entraîner pour Daredevil Born Again. Il était aussi consultant pour d'autres séries. Et là, il était consultant pour le spécial. Donc voilà. Du coup, il devrait sortir avant le Spider-Man, alors. Je sais pas, parce que j'ai cru comprendre qu'il était en automne. Moi, j'ai compris aussi qu'il était en fin d'année, mais j'arrive pas à trouver de date de diffusion. Bah non. Moi non plus, c'est comme Vision Quest, tu vas chercher, tu n'en trouves pas de date de diffusion. Attends, s'ils veulent que ça marche, il faut qu'il y ait Tom Holland un peu. Hein. Ouais. Parce que faire un film sur des séries que personne n'a regardé. Je vois, ouais, mais ce qu'il peut faire, c'est réintroduire le personnage dans Spider-Man et puis sortir derrière le one-shot. Faire ça, ouais. Bah, les gens voient le personnage et puis paf, ils sont intéressés par le one-shot. Le... Je sais pas. Bon, en tout cas, de ce que j'ai pu lire et comprendre, c'est qu'il va faire le pont entre la saison 1 de Daredevil Born Again et en fait, apparemment, ce spécial justifierait la présence. Et ça rejoint ce que tu as dit, du Punisher dans Spider-Man. Donc, effectivement, peut-être le printemps, sachant que le tournage est terminé depuis cet été, enfin l'été dernier, l'été 2025. Oui. Donc, la post-prod, elle doit être. Je ne suis pas spécialiste de cinéma, mais. Ouais, elle devrait déjà être faite. Elle devrait être faite. Donc, du coup, printemps, ça paraît pas impossible. Voilà. Mais on ne connaît pas du tout le déroulé scénaristique. Et la seule chose qu'on sait réellement, c'est qu'il y aurait la. Alors c'est dans les comics, parce qu'en fait, il n'y a pas trop de vilains non plus chez Punisher, à part des familles de mafieux. Et là, il combattrait la famille Nucci. Voilà. Donc, c'est une famille de mafieux, hein, faut pas... qui est dirigée par une matrone qui s'appelle Ma Nucci. Voilà. Mais on sait pas... Enfin, on sait pas tellement, en fait. On sait qu'il y a un spécial. Mais... on n'a pas trop d'infos, quoi. Vous avez bien aimé, vous, la série sur Netflix ? J'ai pas regardé. C'est vrai ? Oh ouais. Je sais, il faut que je regarde. Je l'ai pas regardé du tout. C'est méga violent. C'était un peu lent aussi, quand même. Oui, bah, surtout la saison 2. Je crois qu'elle a été très, très lente. Ouais. Les épisodes. Mais la saison 1, elle se mangeait assez bien. Bah, faut aimer la violence pure et dure. Il y a un petit côté de John Wick, mais en plus violent. Quoi. Parce que, est-ce que John Wick, c'est un peu chorégraphié, tu vois ? Là, t'as vraiment là. Ouais. C'est à la bagarre, quoi. La bagarre. La bagarre. Donc, ouais. Donc ça serait un personnage vraiment pas light. Hein. Ça serait un Punisher pas du tout light. Voilà, qui. Sans pitié et sans retenue. C'est ce qu'il dit, acteur. Voilà. Jusqu'à se tourner le dos au public, ce qu'il dit. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais après, il n'y a pas de sa date de sortie vraiment officielle. Non, il n'y a rien, on trouve vraiment rien. Et il est censé apparaître effectivement dans Spider-Man. En fait, depuis tout à l'heure, on parle, mais j'ai l'impression qu'on a que des séries avec des super-héros de rue. Je regarde. Mais je pense que c'est un peu l'idée. Non, attends, Wonder Man, on peut dire à la limite. Wonder Man, ouais. C'est à Los Angeles, ça, tu veux dire. Mais bon, voilà. Mais tu dois Daredevil avec Defender, Punisher. Ouais. Comment il s'appelle, Spider-Man, qui est aussi un héros de rue. Ouais, là maintenant il devrait redevenir héros de rue, là, Spider-Man maintenant. Ouais, à l'ancienne. C'était prévu en tout cas. C'était prévu. Je regarde. Ouais, on allait être concentré sur les héros de rue. Non ? Bon, on verra. Mais bon, ça serait pas étonnant parce que s'ils suivent l'arc que je vous ai dit tout à l'heure, Devil Reigns, où justement ouais. Wilson Fisk devient maire et qu'il crée une milice anti-super-héros de rue, bah en fait, ça. Dont Daredevil est l'un des chefs, bah, ça rejoint cette idée-là. Quoi. Ouais, puis ça va un peu séparer aussi ce qui se passe. Enfin, tu vois, Doomsday, ça va être un truc de énorme en multiversel, machin. Là, si tu vas avoir des héros un peu plus terre-à-terre. Un peu plus humain, peut-être, c'est sans super-héros cosmiques. Ouais, ouais. Bah justement, plutôt, ouais, plutôt multivers ou plutôt super-héros de rue comme ça là. Là, tout de suite, je serais plus multivers parce que ça a été bien mis en place, tu vois, notamment avec Loki. Ils ont bien mis les choses en place pour que ça donne un peu la hype. Tu m'aurais dit ça à la fin de Endgame. Je pense que j'aurais été super héros de rue plutôt. Ouais. Mais là, ils ont quand même passé les billes pour. Je vois que ça ferait pas tâche quand même. Parce que entre le cosmique et puis le multivers, tu vois. Et là, ouais, c'est ça. Quoi. Ça fait deux arcs différents dans le même univers. Ouais, c'est ça. Et pas cohérent du tout. Oui, c'est ça, ouais. C'est pas cohérent. Dans Daredevil, quand ils avaient mis le personnage de Miss Marvel, ça ne marchait pas du tout. Non. Pas du tout, du tout, du tout. Et effectivement, comme tu dis. Là, on va voir des affrontements cosmiques avec le multivers et tout. Et puis les autres ont. T'as un Daredevil qui va faire des sauts de capri. Contre le Fisk, enfin, c'est pas cohérent. Mais en fait, peut-être que ce qu'ils vont faire, c'est. Bon, après, la série d'après dont on va parler, clairement, va me faire mentir. Mais je me dis peut-être qu'en télé, partir sur des héros ground level, tu vois, City Heroes, etc. Et puis en cinéma, partir sur des gros trucs bourrins qui ont plein de super pouvoirs, quoi, tu vois. Ça pourrait peut-être aller comme ça. Mais bon, Vision Quest, on sait que ça va pas être du ground level. Belle intro. C'est bien. Professionnel ici. Ah, voilà, c'est bien, tu me donnes. Bah, du coup, voilà, on va voir ce que ça va donner pour The Punisher spécial. En tout cas, je pense qu'on va être surpris. 40 minutes, je dis 40 minutes. Enfin, ça va, 40 minutes de Punisher. Oui, ça va être sympa. Parce que Guardians of the Galaxy, c'était sympa. Hein. Le spécial, c'était sympa, rigolo. Ça serait drôle qu'il fasse un truc humoristique avec le Punisher à Pâques, tu vois. C'est génial. Avec les lapins de Pâques. Mais, ou alors, tu sais, il déguise les gens qu'il veut tuer en lapin de Pâques, tu vois, et puis il les tire. Tu sais que dans les comics, quand il s'associe dans des combats avec Daredevil, Daredevil ne veut pas qu'il tue les gens. Et ouais. Du coup, bah, tu vois, Punisher, il est un peu déçu. Du coup, il met des balles en caoutchouc, c'est méga dur, voilà, qui assomme les gens quand il tire. Voilà. Daredevil ne veut pas qu'il tire des vraies balles, donc il met des balles en caoutchouc. Ouais. Ça. C'est marrant, moi ça me fait marrer. Bon, c'est marrant. Ouais. Ouais, c'est marrant. Bref, donc tu as fait l'introduction, on va parler de Vision Quest. J'avais déjà fait un épisode sur le White Vision, d'ailleurs, nous avons la voix officielle parmi nous de White Vision. La voix officieuse. Voilà. D'ailleurs, j'ai été contacté par Disney pour le doubler. Et ton podcast. Ouais. Toi, je vais avoir besoin de toi, là, d'ailleurs. Il faut que je t'envoie les scénars. En plus, c'est vrai, il faut que je t'envoie les scénars. Donc, du coup. Mais c'est pas pressé. Vision Quest, donc l'histoire de Vision, j'avais déjà fait un épisode dessus. Pas tellement dessus. J'avais fait un épisode sur la White Vision et. Et Scarlet Witch. C'était d'accord. Oui. Mais j'avais beaucoup aimé. Oui, plein. C'est là où j'ai appris d'ailleurs qu'on m'écoutait dans la salle de sport. Ah voilà. C'est ça. Donc ça me, je ne savais pas qu'on pouvait écouter des podcasts en salle de sport. Après, on peut écouter partout. Bah, moi, j'en écoute en allant courir, donc ouais, c'est pas déconnant. Bah oui. Ouais. J'écoute de la musique ou des podcasts. Ouais. Bah, en courant, maintenant, j'écoute de la musique. Ouais. Non, les podcasts, c'est dans la voiture en allant au travail. Ça aussi, oui. Ouais, c'est vrai. Ou quand je fais des trajets de 2 heures, tu mets, t'es tranquille. Genre pour aller à DLP, au hasard. Ah, parfois, voilà. Alors là, tout pile poil. Voilà. C'est vraiment ça, quoi. Voilà. Ou quand j'ai des audiences assez loin. Voilà, tu vois, on a été à Amiens ce matin, j'ai mis un podcast. D'ailleurs, j'ai mis celui d'Olivier avec Pull the Yellow Trap. Voilà. Je crois que c'était ça, de ce que j'ai compris, c'est lui qui a conçu. Je n'avais pas écouté celui. Le quoi? Tu l'as même pas écouté, celui où Tony est invité? Non. Ah bah tiens, bah... Oh, j'ai pas écouté. Oh mince. Allez, merci beaucoup pour l'invitation, je vais y aller. Attends, je vais l'écouter demain. Voilà, bah, je vais l'écouter demain. Non, mais je vais l'écouter demain en allant. Demain, je vais à Évreux. Je plaide à Évreux, donc j'irai à Évreux en t'écoutant. Bah écoute, j'écoute demain. Je m'excuse, je l'écoute demain. Donc, Marvel Vision Quest, donc c'est, j'en ai déjà parlé. C'était, pour moi, c'était l'histoire de Vision qui est blanc maintenant et qui entre dans une quête de mémoire ou une quête d'humanité. On a ce qu'on a, un Vision sans émotion, sans caractère, sans histoire, un Vision blanc, voilà, neutre, où il y a tout à refaire et Vision Quest. Sans la pierre de l'esprit, surtout, quoi. Comment ? Il n'a surtout pas la pierre de l'esprit qui lui a donné sa personnalité au Vision original. Et puis, il a les souvenirs du Vision original, mais il n'a pas les émotions et les émotions associées, ouais. C'est ça. Est-ce que c'est ça, Olivier, vu que tu es la voix officielle ? Oui, tout à fait, c'est ce que tu m'as fait jouer. Voilà. Et ça, est-ce que tu l'as ressenti, que tu n'avais pas d'émotion ? Voilà. Tu avais très bien écrit, c'était très très bien écrit. Merci. Donc, justement, Olivier, est-ce que tu attends cette série, même si tu es la voix officieuse de Vision ? Pas du tout. Tu attends pas ? Non. Après, ça me hype pas plus que ça. Après, ça va être peut-être génial, hein, mais je ne l'attends pas du tout. C'est la troisième, on va dire, série de l'univers de WandaVision, parce que tu as WandaVision, Agatha, et puis du coup, c'est celle-là qui conclut l'arc. Enfin, WandaVision, c'était quand même du haut niveau, on va dire. Oui. Agatha, moi, vous avez apprécié, moi, je n'ai pas du tout apprécié, à part un épisode ou deux. Donc, enfin, comme pour tout le reste, maintenant, je suis sur la prudence et la défensive, on va dire. Ah oui. Comme ça a été pondu et prévu il y a un petit moment, donc j'ai peur que ça ne soit pas à la hauteur. Ouais, je sais pas, moi, rien que le casting, ça me fait envie. Ah, t'as quand même le retour d'Ultron. T'es bien, c'est ça, en fait. T'as Ultron, Friday, Edith, ouais. Jarvis. C'est pas mal, quoi. C'est comme si c'était... En plus, c'est pire, c'est comme si c'était ses frères et sœurs, en plus. Tu vois. Mais oui, c'est ça. Donc, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, de voir la relation qu'il va y avoir entre les différentes IA, en fait. J'adore l'acteur qui fait Ultron. J'ai pas du tout aimé cet Avenger, là. Ah bon, pareil, c'était pas mon préféré. Ultron, c'était pas le meilleur. Raté, mais c'est des trois, c'est celui que j'aime le moins. Des quatre, on va dire. Pourtant, c'est celui qui a quand même pas mal bouleversé le MCU. Enfin, ouais. Oui, non, mais c'est ce qui a lancé les accords de Sokovie et la Civil War. Ouais, oui, non, mais ça fait avancer l'histoire, mais j'ai pas. Le film m'a pas. Pourtant, il y avait tout le potentiel, mais c'est vraiment pas mon préféré. C'est celui que je m'en dernier. J'ai peur, moi, qu'on se lasse de cette série très vite. Parce que si t'as un Vision qui passe son temps à aller voir Ultron, machin, truc, pour essayer de se donner une personnalité, c'est-à-dire, en fait, en gros, il n'y aura pas d'action. J'aurais vraiment du mal. Une série Marvel où t'as pas un peu d'action, quoi. Parce que s'il fait le tour des gens... C'est un problème de toutes les séries Marvel, ils ont pas le budget, et il y a pas beaucoup de séries Marvel avec de l'action, beaucoup d'action. Ça dépend lesquelles, mais... Ah non, c'est possiblement une. Ben, ok. Non, mais... Oui, mais ok, c'est du combat pouf-pouf. Bah, alors du coup, voilà. Captain America et Winter Soldier. Faucon et Winter Soldier. Non, c'est au premier épisode, hein. C'est tout. Hein. Bah, non, quand même. La scène où il vole. Bah, la scène où il massacre l'autre avec le bouclier du Captain America, où ils se battent contre lui. Enfin, t'as quand même. Non, mais je t'assure, il y a. Après, Loki, il n'y a pas de combat. Oui, non, mais Loki. Et Loki, à la limite, c'est le scénar, il fait. T'as pas besoin de combat, en fait. Ouais, Loki, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de combat. Alors, en fait, en gros, ce qui me gêne, c'est que ce soit trop psychologique. Tu vois, tu suis Vision blanc, puis il veut chercher une personnalité, et puis il fait le tour de tout le monde, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Ce qui me gêne. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'à la limite, Edith et Friday, bon, ok, elles peuvent avoir été sauvegardées. Techniquement, Ultron, alors on sait dans les comics qu'il est sauvegardé un peu partout et qu'il revient 50 000 fois. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vu revenir. Enfin, moi, je suis très content. Non, mais à la fin de Avengers Ultron, justement, on sous-entend un peu. Ouais, qu'il était sauvegardé, ouais. Ou qu'il part sur le net, enfin. Ouais, c'est ça. Et Charles. Par contre, tu vois, Jarvis, normalement. Mais alors, Jarvis, pour moi, il était foutu, quoi. Jarvis, c'était fini parce qu'il était devenu Vision. C'était Vision et la pierre de l'esprit Jarvis et la pierre de l'esprit qui ont créé Vision. Donc pour moi, Jarvis et potentiellement Ultron, bah ça déjà être plus compliqué d'aller leur parler, tu vois. Mais j'espère qu'il y aura quand même un peu d'action, parce que sinon ça va être... Normalement, il y a aussi le deuxième fils de Wanda qui va être dedans. Celui qui a les pouvoirs de vitesse là, comme Quicksilver. Alors, c'est pas Billy, c'est Tommy. C'est Tommy, oui. Voilà, c'est ça. Je revenais plus sur le nom. Normalement, il est aussi dans la série, donc je sais pas, peut-être qu'on aura. Je sais pas à quoi m'attendre en fait. En fait, ce qui est chiant, c'est que si tu te dis toute la série tourne sur une quête personnelle de recherche d'une personnalité, ouais. Ça va être chiant à mourir. Faut autre chose. Ouais, je suis d'accord. T'as un autre arc, tu vois. Un semblant de méchant qui arrive, qui va foutre le bordel, tu vois, ou qu'il y a des liens avec d'autres séries ou d'autres films, tu vois. Parce que sinon, ça va être insupportable. Si à chaque épisode, il rencontre quelqu'un et qui lui demande, vas-y, raconte-moi la vie d'avant. Bonjour, explique-moi qui j'étais. Oui, c'est ça, ça va être insupportable. Ouais. Après, c'est Paul Bettany hein, qui joue. C'est toujours Paul Bettany qui joue Vision, ouais. Voilà, c'est un super acteur. Est-ce qu'il accepterait un tel rôle? Non, je pense que le truc sera intéressant. Par contre, il n'y a pas de date de sortie non plus pour celle-là, je pense. Je crois que c'est automne. Je crois que, justement, normalement, c'était en juin. Et je crois qu'ils ont mis en automne après Spider-Man. Donc, potentiellement avant 12 décembre. Et les gens se posent la question de savoir si, justement, c'est pas... Est-ce qu'il y aura un impact, s'il n'y a pas un impact. Voilà. Et le truc, c'est que ouais, ça fera peut-être revenir Tommy pour avoir les Young Avengers. Et sachant qu'il est sur la côte ouest, je crois. Des États-Unis, ouais. Sachant ta Wonder Man. On va voir. Ah, ouais, c'est vrai, ouais. On verra. Mais bon, après, je l'attends, mais je me dis, j'espère que voilà, tous les épisodes, ça va pas être. Il rencontre quelqu'un. Il faut autre chose qu'une quête personnelle. Voilà. Oui, il faut qu'il y ait quelque chose qui. Ouais. Enfin, il faut qu'il y ait un peu d'action, quoi. Ouais. Parce que sinon, ce sera pas si intéressant que ça. Ou t'as plein de références ou plein de liens avec les autres films ou séries, quoi. Ouais. Bon, du coup. Il y a qu'Olivier qui, bon, se tatouille à se dire je l'attends pas, mais bon, je regarderai, non ? Parce que je suis d'accord qu'on. Pour moi, on s'attend tous à du spectaculaire. Ah non, pas moi. Pour Vision, je m'attends pas à du spectaculaire. Bon. Non. Tu t'attends à quoi en termes d'action avec Vision, alors ? Ben, alors pas forcément de l'action, mais un scénar où il y a quand même un minimum de méchants, quoi. Ou s'il n'y a pas de méchants, un scénar qui nous a trouvé une idée ou un truc comme ça. Forcément spectaculaire. Bah on verra. Après, il y a tellement. C'est pareil, ils font pas de promo. Alors, il n'y a pas de combat du tout. Ouais. Ils font pas de promo aussi, c'est comme Wonder Man. C'est bizarre, ouais. Je trouve ça bizarre. C'est pareil, est-ce qu'ils vont sortir toutes les séries d'un coup? Un peu comme Echo. Tu vois, tu sais pas, tous les épisodes d'un coup. Hein. Mm. Et c'est terminé cette série Echo? Elle est bouclée au tournage? Non. Oui, elle est bouclée, Vision. Ouais, elle est finie. Elle est finie, ouais. Ouais, c'est ça, c'est bizarre parce que c'est fini et puis tu sais pas trop la date de sortie. Ben, peut-être que ça pose problème avec comme ils ont changé pas mal les scénars des Avengers au tournage. Ah, ça arrive souvent, ça. Ah, mais du coup, ça impacte peut-être. C'est la série, comme les reshoots, c'est tout le temps. C'est. Ouais, mais du coup, ça se trouve, ça rend plus du tout cohérent la série. Dan Vision, peut-être et faire des reshoots. Re-shots pour la série, je suis pas sûr. Ouais. Peut-être. Ils vont peut-être faire des reshoots. On verra. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de Vision Quest. Je pense qu'on a. Ouais. Voilà, on va voir. Après, je pense qu'on aura un peu plus de renseignements au fur et à mesure de l'année. On pourra peut-être un peu plus bablater dessus. Mais... Bah déjà, quand on saura la date de sortie, on pourra imaginer un peu ce qu'il pourrait y avoir comme lien avec le reste. Alors, là, j'ai du mal à voir 8 épisodes dessus aussi. Hein. 8 épisodes sur Vision. Ça peut être long. Ça peut être long. Ça peut être long. Ouais. Ouais. 5, ça va, mais 8... Bah, le truc, c'est que c'est un format classique maintenant des séries à 8 épisodes. Donc, Oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, tu vois, c'est devenu un peu le format. Après, c'était 9. Et maintenant, c'est. Ils n'ont pas fait 6 déjà ? Il n'y a pas eu de série à 6 épisodes ? Ah, je sais pas. Je sais que Netflix faisait 9 tout le temps à une époque donnée. Et puis en plus, ce qui est pénible sur Disney+, c'est que tu vas avoir un épisode qui va durer 45 minutes. Oui, et puis t'en as un qui va faire 15 minutes. Un qui va durer 25 minutes. Enfin, c'est... Ah ouais. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Bon, on verra, mais je pense qu'on aura plus de renseignements pour en parler. Olivier, tout à l'heure en off, tu m'as dit que tu n'avais pas forcément vu la série Votre fidèle serviteur Spider-Man. Non, tu l'avais pas vu. Oui. Tu l'as vu ou pas? Non, j'ai pas tout regardé. J'ai regardé les deux premiers épisodes et j'ai pas aimé. Là, t'as pas aimé. Ok. T'as bien aimé toi, Tony? Moi, j'avais bien aimé. Moi aussi. J'ai trouvé ça sympa. J'ai regardé avec Salomé, ce qui. Voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est de se dire que Peter Parker, alors c'est un peu, il y a un mix avec les le Spider-Man cross the Spider-Verse. Enfin, c'est un peu l'idée. C'est une araignée d'un monde un peu sombre, on va dire ça, d'un univers un peu sombre. Hein. J'ai l'impression que c'était Venom, moi. Je crois que c'était. Ouais. Non. Non, c'était juste une araignée classique, je pense. Elle venait pas d'un autre univers. Oh, je ne sais plus. Bon, ouais, bref, il s'est mort. En tout cas, je crois qu'elle venait d'un autre univers. Elle lui est tombée dessus par le. Tu te souviens pas? Elle lui est tombée dessus du ciel et puis du coup. Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Je crois que c'est à la fin qu'on comprend que c'était une autre avec Doctor Strange. C'était une araignée. Bref, c'est un Spider-Man en dessin animé très rétro. Oui. J'aime bien le style. Ouais, années 60 à peu près. Voilà. Ouais, très cool. Et ça fait un peu bande dessinée. C'est un peu vintage. Alors, la première saison a cartonné. Mais vraiment. Et ils ont fait une saison 2 qui revient cette année. Et ils ont expliqué que ça va jusqu'à 4 pour le moment. Donc, la saison 2 sort. Et ils disent qu'ils veulent toujours garder le même choix artistique et qu'ils veulent garder ce côté rétro-vintage. Mais on ne sait pas beaucoup plus que ça. Voilà. On ne sait pas trop quel sera le scénar. Mais en tout cas, on a l'impression que votre fidèle serviteur Spider-Man, c'est un peu, vous savez, comme les vieilles séries des années 90, Spider-Man, ils en font plusieurs saisons à la suite. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, on a l'impression que maintenant, ça va être ça. Ils vont faire plusieurs à la suite et puis... Ouais. Puis, ce que j'aimais bien aussi, c'était que tu vois, ce soit un peu Osborn qui fasse le mentor dans cette version-ci. Je trouvais ça sympa aussi. Tu vois, c'est Osborn qui fait le mentor de Peter. Je trouve ça intéressant et surtout qu'Osborn soit au courant. Tu vois, je trouvais ça assez intéressant comme approche. Oui, bon, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, t'es sympa. Après, faire autant de saisons, je ne vois pas l'intérêt sauf à fidéliser les amoureux du dessin animé. Le truc, quoi. C'est que... Ouais, voilà, c'est ça. Après, à mon avis, c'est quand même une série qui est un peu orientée plus vers les enfants. Quand même, il y a des scènes, des fois, je voyais ça. Il y a des scènes un peu plus chaudes. Ouais. Mais tu vois, c'est quand même un peu plus orienté vers les enfants. Je dirais que, ils font une série qui vont faire jusqu'à ce que... Enfin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'intérêt pour la série, tu vois. Comme ils font avec d'autres séries pour enfants. Ils disent qu'ils veulent faire une cadence annuelle. Voilà. Donc, ouais. Du même style que les vieilles séries Spider-Man. Donc. Mm. Mais bon, elle a bien marché la saison 1. Oui. On ne voit pas pourquoi la saison 2 ne fonctionnerait pas. Ah non, tu fais la tête, Olivier, mais elle a vraiment bien marché. Regarde sur Internet, ils ont bien dit que. Non, je te crois, mais je connais pas. À part vous, je connais personne qui a pas. Et enfin, dernière série, les amis, qui sort. Alors, ce n'est pas une série de chez Marvel. C'est dans le monde Marvel. C'est le Spider-Man noir. Avec le retour de Nicolas Cage. Je vous ai envoyé, je crois, le trailer. Je ne sais plus. Ouais. Ouais. Vous avez regardé un petit peu? Oui. Voilà. Bon, j'avais fait un podcast aussi sur le Spider-Man noir. Alors là, ce n'est pas une production Marvel, c'est une production Sony. Alors. Oui, d'ailleurs. Oui. Mais il y a eu un rebondissement cette semaine. C'est pas vrai. Bah, ils ont passé un accord historique Sony avec Netflix. Je crois que c'était. C'est pas Warner. Ah non, moi je suis resté sur Netflix qui a acheté Warner Bros. Moi. Oui, il y a ça, mais là, il y a Sony qui est en train de passer un accord historique où en fait tout le catalogue Sony va aller sur. C'est une farce, c'est vrai? Oh, génial! Ouais. Attends, Sony. Et donc, du coup, je me pose la question. Parce que là, c'est Prime qui. C'est Amazon Prime, ouais. Ah ouais? Enfin, c'est la MGM. Netflix signe un partenariat historique avec Sony Pictures. Hum. Ah, c'est pour concurrencer, je pense. Netflix, ça va devenir un truc oui. Immense. S'ils arrivent à faire ça et qu'ils arrivent à boucler le rachat de la Warner, ça va être costaud. Hein. Pas la Warner, laisse tomber. Le prix de l'abonnement aussi va être costaud. Il y a des chances, oui. Ouais, mais au final. Ou pas. Ou alors s'ils gardent le même prix, je te dis pas, tout le monde s'abonne après. Bah, ouais, c'est ça aussi. Hein. Tu sais, après. Ouais, peut-être qu'ils cherchent plus à voir. Donc c'est une production Sony et c'est Nicolas Cage qui débarque. C'est pas gage d'égalité. Oui, Sony, c'est pas une gage d'égalité. Quel est le dernier film Sony que vous avez bien apprécié? Bah, les Spider-Man. Les Spider-Man. Lié à Marvel ou... Non, mais... Non, les Spider-Man, c'est bien. Ouais. Spider-Man, mais... Allez, je vais dire en live action, pas en dessin animé. Spider-Man. Ouais, les Spider-Man, ouais, ils étaient... On va enlever les Spider-Man. Oui, enfin, il y avait quand même Disney qui était dedans. Mais... Alors, si Venom, si Disney de nous faire dire un truc... Si t'enlèves les Disney, bah, rien. Ou, à la limite, le premier Venom. Chasseur, qui passe ça ou... Kraven le chasseur. J'ai même pas vu. Madame Web. Madame Web. Bah, non. Madame Web, je me suis endormi dans les 10 premières minutes, j'ai même pas regardé la... j'ai même pas vu en entier. Mais tu sais que Julie m'a bien aimé Madame Web. J'ai dit, mais non, c'est pas bon. Tu veux que je te vienne de baraque ou quoi? C'est pas possible. Mais je crois que t'as le droit au divorce avec un truc comme ça, non? Divorce pour faute. Ça, si t'as besoin. Divorce pour faute. C'est pas possible. Mais ouais. Parce que Madame Web, c'est quand même le seul film qui rend Miss Marvel appréciable. Non, Captain Marvel, c'est dire. Captain Marvel, c'est un chef-d'œuvre. J'ai toujours cette image, dire. Moi, où je me dis, quand on voulait faire le podcast dessus, j'avais dit à Julie, vas-y, je me le mate une deuxième fois parce qu'il faut que je me remette dedans. J'ai tout oublié. Et j'ai... le début, c'est une araignée, pour ceux qui ne l'ont pas vu, jusqu'il descend de son fil. Là, j'ai fait, c'est bon, j'arrête. C'est tout début, quand ils sont dans la jungle. Tu vois, juste une araignée qui descend de son fil. Je fais, c'est bon, ouais. J'arrête. Je peux plus, je vais me coucher. Mais le truc, c'est que je me souviens que tu avais parlé de ce podcast-là et j'avais essayé de regarder le film pour faire le podcast. Non, mais c'est jamais réussi. Non, quoi. Mais... je t'avais dit, je suis désolé, mais j'abandonne. C'est pas possible. C'était moins marché. C'est-à-dire qu'en fait, faut que je regarde, mais je dois être à 200 ou 300 vues d'écoute. Et c'est pareil. En fait, dès qu'on a, et ça, je vous le dis et je l'ai déjà dit, dès qu'on a un film de merde, je choisis pas d'écoute. Mais dès qu'on fait un truc qui est sur l'arrière. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Je crois que Captain Marvel, on a un truc, c'est dégueulasse. The Marvels, voilà. C'est The Marvels. Ah oui, The Marvels. Ouais. Mais je te jure. Oui, d'ailleurs, j'étais le seul con à aller le voir au cinéma. C'est vrai. Pour l'émission, si, si. Ouais. Si, si, il avait été le voir au cinéma. Oui, ouais, bah moi aussi. Tu n'avais pas été le voir. Je sais plus, mais. Si, j'ai été le voir, moi. Salomé l'avait bien aimé, je me souviens. Ah, oh, les petits chats, ils sont mignons. Hein. C'est bon. Je sais plus, il y a un film. J'ai pas vu Madame Web. C'est Madame Web que t'as peut-être. Payé qu'on n'a pas été voir. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, tu donnais ton. Non, mais c'est. Enfin, Madame Web, c'est un sketch. Mais bon, en tout cas, Spider-Man noir, donc Nicolas Cage. Alors, vous savez pourquoi Nicolas Cage ou pas? Parce que c'était déjà lui qui a fait la voix dans Into Spider-Verse. Ouais, c'est ça, c'est lui qui fait. Mais bon, c'est pas le même. C'est pas le même Spider-Man. Donc, on est plongé dans le New York des années 30 et il joue un détective privé. Alors, c'est pas un ado. Oui, c'est ça qui change. Ça, et c'est pas Peter Parker. Je sais pas si vous avez vu la photo promo là qui est sortie il y a pas longtemps. Un filf. Comment? Un filf. J'ai pas compris. Un homme de 50 ans. Un filf. Ok, un filf. Ok. Mais t'as les milfs, les gilfs et les filfs. Okay. Voilà. D'accord. Ce podcast, il y a moins de 18. Bref, pour dire. Tu viens de perdre la moitié de ton audience. J'ai perdu la moitié. Non, en plus, il faut que je regarde. Mais... Non, c'est... On a pris 1000 écoutes d'un coup. 1000 abonnés. En plus. Donc, en fait, dans la photo promo, c'est un peu comme Jessica Jones. En fait, c'est une vieille porte de détective privé, tu sais, avec une vitre camouflée, avec écrit Ben Reilly dessus. Donc, c'est pas Peter Parker qui jouera, c'est Ben Reilly. Alors, je sais pas si vous savez qui est Ben Reilly dans les Spider-Man. Non, c'est... Je découvre vraiment le personnage. D'accord. Donc, on comprend que c'est pas le Peter Parker ni le Spider-Man de Into the Spider-Verse, enfin, du moins, de Cross the Spider-Verse. En fait, Ben Reilly, à la base, c'est le Scarlet Spider qu'on voit dans le deuxième Spider-Man. Donc, c'est Cross the Spider-Verse. C'est celui qui a un peu une veste vintage ou un sweat, je crois. Et Ben Reilly, c'est un clone de Peter Parker. Ok. Voilà. C'est un clone, mais un clone vieux. Voilà. D'accord. Donc il n'y a pas de, il y a pas. En fait, c'est fait exprès parce que je pense qu'ils ont pris Ben Reilly parce que c'est un clone qui est vieilli, qui est tourmenté, qui est méga violent. Ouais. Mais d'ailleurs, on le sent. Je sais pas si vous vous souvenez dans le dessin animé, on voit bien qu'il est violent quand même, qu'il a un problème psychique quand même. Il y a quelque chose. Ouais, tu vois bien déjà, que quand tu vois la bande annonce, les filles se touchent quoi. Tu vois bien que quand tu vois la bande annonce, moi, ça me fait penser à un Batman, tu vois. Ça me fait vraiment penser à un Batman. Oui, assez de toute façon, il est méga violent. J'ai fait un podcast dessus. J'ai les comics, mais il est très violent. Hein. C'est pas La grande question que je me pose, c'est comment il a obtenu ses pouvoirs. Alors, est-ce que c'est comme dans les comics, c'est quand il va... je ne sais pas si... Donc là, il n'est pas journaliste, il est détective privé. Mais je me demande si ce n'est pas en enquêtant sur la mafia, etc., où j'avais expliqué qu'il enquêtait sur une mafia et qu'il s'est fait piquer par une araignée qui est sortie d'un totem dans un musée. Et donc, du coup, il avait les pouvoirs de la déesse araignée et pas d'un dieu. Une déesse, pardon. Et là, je ne sais pas du coup d'où il tient son pouvoir, on ne sait pas trop. En tout cas... De la Switch. La Switch, alors attends. Switch, la DS, Switch. Ah oui, ok. Je ne l'ai pas. Ouais, non, ça marche. Je ne l'ai pas. La console Nintendo. Console Nintendo. Nintendo DS. Nintendo DS. Ah, il y avait la DS et puis la d'accord, Switch. Alors attends. Ça vaut. C'est dégueulasse. Comme ma blague. S'il vous plaît, envoyez vos dons sur Patreon pour qu'on puisse offrir un vrai jingle de batterie à Benji. Voilà, on a que ça. Donc, je continue à faire des blagues de ce niveau. Je note que Tony n'en a fait aucune depuis le début du podcast. Ah oui, c'est vrai. Il est fatigué. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est tellement ému de revenir dans ton podcast. Bon, dans les comics, il combat les nazis. Ah, là, on va voir ce qu'il va combattre. Apparemment, il combat la mafia. J'ai l'impression qu'il combat un mafieux. Donc, on verra. En tout cas, que pensez-vous de l'idée justement d'une série Spider-Man, Spider-Man noir, mais un peu original comme ça, dans un monde un peu années 30, film noir. Vous en pensez quoi? Moi, j'adore. Parce que ça me rappelle surtout pas tellement les comics, j'avais joué sur la PS3 un Spider-Man, tu sais, où tu jouais à tous les Spider-Man de tous les univers là. Et entre autres on jouait le Spider-Man noir, j'adorais l'ambiance qui s'en dégageait. J'ai jamais lu les comics par contre la bande-annonce, disons, ce point de vue effet spéciaux, c'est, tu vois, la synthèse, hein. La synthèse. Ouais. Dès qu'il y a un Spider-Man noir, c'est que de la synthèse. Ah oui, oui, oui, tu le vois. Enfin, oui, oui. Je crois qu'il allume ses yeux, je crois. Je pense que toutes les scènes, tout le personnage en entier, il est en image de synthèse. Ah, là, c'est vrai que suivant la vue, c'est mal fait. J'ai vu. Après, ça reste une bande-annonce, parce qu'il y a encore des effets spéciaux à faire. Ouais, voilà. Puis elle date un peu, les bandes-annonces aussi, je crois, à mon souvenir. Elle a 7 mois, la bande-annonce, je crois. Ouais, okay. Et surtout qu'il n'y a aucune bande-annonce sur Amazon. Donc c'est étonnant. Ouais. D'ici ça atterrisse sur Netflix, il n'y a pas photo. Ouais, bon. Après, je trouve ça bien. Tu restes dans l'univers de Spider-Man, c'est pas mal. Mais généralement, Prime, ils réussissent leur série de super-héros. Oui, en général, ils réussissent bien. Ouais. The Boys, c'est difficile de dire que c'est nul. Oui, même si ça commence à être un peu longué. Ouais, mais. Il y a Génération V aussi qui est pas mal. Génération V qui est pas mal, ouais. Ouais. Il y a Fallout qui est bien réussi aussi. Oui, Fallout, ouais. C'est pas super héros, mais... Oui, enfin, en tout cas, c'est un, on va dire, une plateforme qui réussit ses séries originales. Ouais, un peu comme Apple, j'ai remarqué, Apple, c'est difficile de trouver Apple TV. For All Mankind saison 5 va sortir en mars de cette année. Je connais pas. Quoi? Oh. Alors, c'est nul, je suis très déçu de toi. Non, mais de toute façon, s'il y a une plateforme de streaming à conseiller à des gens, c'est celle d'Apple. Oui, oui, c'est vrai. T'as pas un catalogue immense, mais c'est la qualité. Ouais. Et puis avant que tu regardes tout ce qu'il y a, t'as de la marge. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai que. Et puis, pour ceux qui aiment la science-fiction, c'est des vraies séries de science-fiction, quoi. Avec des vrais scénarios. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'en ai regardé une là. Avec... Ah, ils sont dans un conteneur. Le silo. Oh, c'est génial. Il est incroyable. Il y a deux saisons là. Bah, la saison 2, j'ai du mal. C'est vrai? Ah non, pas moi. Mais, franchement, si t'as bien aimé Silo, regarde For All Mankind. C'est. Le pitch, bon, on sort complètement du podcast. Le pitch, c'est qu'est-ce qui se serait passé si les Russes étaient arrivés les premiers sur la Lune? Ça, c'est le pitch de l'histoire, de la première saison. Mmh. Et. Toute la série est ouais, tu vois, c'est le genre de Season 6 qui t'attire pas, mais tu sais que c'est Apple TV qui t'a fait ça, tu c'est dis que c'est de incroyable. Qualité. Hein. Bah, je vais regarder. Ah, franchement, je la conseille vraiment, elle est incroyable. C'est vraiment des séries. Il y a Severance aussi, enfin, c'est la claque. J'ai pas encore regardé celle-là. Oui, c'est la claque aussi. Enfin, bref, c'est difficile de se dire. Severance, c'est pas celle-là où justement ils retirent les émotions quand les gens y travaillent? Ouais, c'est ça. C'est celle-là. Non, en fait, ils se rappellent. Ils enlèvent les souvenirs. Ça, les souvenirs, oui. Ouais, j'ai regardé un petit peu. Je n'ai pas regardé, mais pour peu que j'ai regardé, j'ai adoré. Comme toi, c'était quand j'ai vu le pitch, je me suis dit, ça m'intéresse. Oui, pas. Mais c'est. Et puis, tu regardes le truc, tu hallucines. Enfin, c'est excellemment bien écrit. Ouais, et puis, ça m'a fait penser, tu sais, à la série Netflix, là, comment elle s'appelle, un peu comme ça. Oh là là. Tu sais. À chaque épisode, c'est une histoire différente. Je sais plus, il y avait un épisode où quand tu regardais, ça enregistrait. Black Mirror. Voilà. Ça m'a fait penser un peu à ça, à Black Mirror. Ouais. Une série Netflix au départ. Mais bon. Ah bon, c'est une série quoi au départ? C'est une britannique. Ouais. Et puis Netflix l'a racheté au bout de la troisième saison, je crois. Et ouais, d'accord. Bah, en tout cas, ça m'avait vraiment marqué cette série-là. Le concept est britannique. Ouais. Okay. Je me rappelle d'un épisode où si t'avais pas, je sais plus, 5 étoiles ou 4 étoiles, tu pouvais pas faire un disque. Ouais. Et la fille, en fait, elle avait plus qu'une étoile, elle était clocharde et tout. Et... Ouais. Tu sais que c'est produit en Chine depuis? Non. Ah ouais? En Chine, ça, tu peux regarder, hein, tu chercheras sur Internet, ils ont le même système. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais quelque chose de pas bien, ils affichent ta photo, t'es détecté avec les caméras dans le métro, t'es affiché en grand sur un écran. Lui, en disant, par exemple, lui, il a pas payé sa contravention. Lui, tout ce qu'il y a dans cet épisode, c'est, ça finit par arriver par la Chine. Voilà. Tu fais peur, mec, là. Je t'assure. Bon. En tout cas, vrai, ça va pas. Spider-Man noir, ça n'a rien à voir avec ce pays. Mais en fait, on est parti complètement ailleurs là. Hein. Alors, Nicolas Cage qui incarnera un Spider-Man noir vieillissant, vieux. Ça a l'air de bien castagner, parce que Spider-Man noir, comme je l'expliquais, il est violent. Voilà, c'est un détective privé, c'est pas un journaliste, c'est pas un photographe. Et plusieurs fois, si vous regardez le trailer, il explique que c'est sa ville et il se doit de la protéger. Voilà, donc on va voir ce film de super-héros. Mais bon, pour dire ce que. À la base de base, on parlait des plateformes qui font d'excellentes séries, d'où la discussion qu'on a. Prime, c'est difficile, notamment. Oui. Et j'avais pensé aussi à Prime, Le Seigneur des Anneaux, qui est bien. Oui. Qui est d'ailleurs l'une des séries les plus chères au monde, la première saison. Oui. Très très sympa. Voilà. Donc, mais par contre, la. Non, c'est pas la série quand même. Hein? C'est pas de la série Seigneur des Anneaux quand même. Si, la série Seigneur des Anneaux. Bien. Bah bien sûr, c'est la série l'une des plus chères du cinéma. Du cinéma de. Peut-être, c'est la plus belle visuellement, mais c'est une catastrophe. Oui, je suis d'accord, c'est pas. Mais ça n'empêche que. Oui. Enfin, ils ont tout mis dans les effets spéciaux, ils n'ont pas mis ça autre part, c'est sûr. C'est très beau, c'est sûr, évidemment, c'est très réussi. Oui, sinon, c'est pas du tout réussi. C'est une catastrophe. Bon, après, c'est. On va dire que ça n'empêche que la plateforme de Amazon nous fait quand même des belles séries. Fallout, par exemple. Il faut jouer là. Très très bon. Vous entendez cette petite musique, les copains, c'est que c'est la fin. On a fait le tour des séries. J'en ai pas d'autres. Ça sert à rien. Voilà. Donc on fera un autre épisode sur les trailers. Okay. Je vais voir. Voilà. Mais c'était sympa quand même. 1h15 ensemble. Voilà. Ouais, finalement, on a quand même pas mal parlé. Oui, oui, oui. Donc il y a toujours quelque chose à dire sur Marvel. Petite promo individuelle donc, et collective, puisque vu qu'on fait partie du même hub. Donc. Tony. Ouais, bah moi il y a Just Dream It. J'ai pas encore sorti de podcast en 2026, il est temps. Mais là il y en a deux de prévus. Faut prendre son temps. Faut pas s'en faire. Oui, c'est ça. Mais le début d'année était compliqué, donc faut que je m'y remette là, mais faut que je vois avec vous pour qu'on s'organise. Et par contre, je suis rattrapé sur YouTube. J'avance sur la liste, sur mes vidéos des vacances. Là, il y a toute la série de la mer de sable. Ouais. Toute la série de la mer de sable qui est prête à sortir. Et il a passé les 100 abonnés, monsieur. Et j'ai passé les 100 abonnés, oui. Je suis content. Bah oui, toujours. Et puis n'oubliez pas le Discord aussi si vous voulez venir nous parler. Oui. J'ai toujours mon lien périmé. Que je mets. J'ai pas envoyé de nouveau. Mais il périme tout le temps. Les gens, quand ils m'écrivent, j'arrive pas à accéder. Je suis pas. Non, mais non, j'ai nouveau. J'ai fait un lien permanent en fait maintenant. D'accord, tu l'envoies. Ouais, faudrait que tu l'envoies. Parce que là-bas, si tu me l'envoies là, je vais pouvoir le mettre pour en sous-titre sans difficulté. Bon, et t'as oublié aussi votre podcast commun. Oui. Oui, bah oui. Ah, donc, sur Star Wars. Notamment, on fait le point là sur l'actualité de janvier avec notamment le départ de Kathleen Kennedy. Olivier est joyeux. Vous avez quand même parlé du prochain film, quand même. Je crois que c'est quand qu'il passe Grogu et Mando là. Ah, c'est au mois de mai. C'est au mois de mai, voilà. Donc, on n'en a pas encore beaucoup parlé, non, parce que. On n'a pas rien de nouveau depuis le trailer. Ouais, ça, il n'y a pas de nouveau. Parce qu'ils font pas grand chose quand même. Il n'y a pas trop de promos. C'est pas bon, ça. Ouais, on verra. De toute façon, je mets ma pièce comme quoi ils vont faire des films qui ça va être l'Avengers de Star Wars. Je te mets une pièce. C'est ce qui me fait un peu peur. Et elle a prévu quand la saison 2 d'Ahsoka? Fin d'année, normalement. Là, elle a été tournée. Ils sont en train de faire la post-prod. Et du coup, elle devrait sortir en fin d'année, d'après les rumeurs. Il n'y a pas encore de. Il n'y aura pas l'acteur préféré d'Olivier. Il est mort. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Pourtant, tu l'aimais beaucoup, cet acteur. Il jouait super. Ah oui, mais tout à fait. Oui. Non, mais, d'ailleurs, son remplaçant est très bien aussi. Le limier. C'est le limier. Ah oui, le limier dans. Ouais. Olivier, petite promo personnelle. Tu as enfin dépassé aussi les 100 viewers sans abonnés. Largement plus. Les 100 abonnés. Bah, ça fait plus longtemps aussi. Hein, que je fais ça, donc c'est plus facile. Dis-nous tout. Alors, petite promo perso. Je dois être à 3600, un truc comme ça. Oh ah, d'accord, attends. Non, non, il y a de la marge. Je vais me dire ça. Attends. Non, je crois que je te dis ça tout de suite. 3600 aussi, c'est vrai. 3600. Donc, tu sais, j'ai enregistré un Magic Mouse. Je l'ai écouté. Tony, je l'ai écouté. Je vais écouter demain, promis. C'est triste. Et, effectivement, on a fait avec nos copains de Pull the Iron Strap un hommage à Eddie Soto, qui nous a quittés récemment. Et puis voilà, mais sur YouTube. Et vous retrouvez le podcast aussi sur ta chaîne YouTube. Oui, tout à fait. Il y a quand vous allez sur la chaîne d'Olivier, vous avez un onglet podcast. Et quand vous écoutez avec Google Music, vous avez le podcast du coup sur ma chaîne. C'est exact quand Google. Ah oui, YouTube Music. Enfin. YouTube Music. Ouais. Ouais. Ils n'arrêtent pas de changer aussi, ils sont chiants. Oui, ils sont chiants. Ouais, ça change tout le long. Voilà. Et vous avez le passionnément Disney avec Tony aussi. Voilà. Et si vous voulez voir Olivier faire les soldes, bah, allez-y. Hein, parce que... Ah oui, il y a des soldes à Lucie. Ouais. Giga Sol. Alors, juste pour te dire, Olivier, avec Julie, sur la photo où tu présentes Giga Sol ta viature, on t'a pas reconnu sur le coup. Ah bon? Ouais. Bah allez, peut-être. Tu fais ton choqué. Ouais, tu fais. Oui, oui, des je fais, oui. Ça rappelle quelqu'un. Hein. Mmh, ouais. Non, non, mais en plus, tu sais que. Il y a le jersey de Big Thunder Mountain qui est sorti depuis longtemps, 3 ans maintenant. Et puis, il n'a jamais été mis en solde. Et la semaine d'avant, je me suis dit, bon, je vais l'acheter parce que. Oh. Parce qu'il ne sera jamais en solde. Ça fait plusieurs années qu'il est là. Mmh. Et j'ai oublié de l'acheter, heureusement, parce que je me serais défenestré, je pense. Ah bah ouais, là... Au pire, tu le ramènes, tu te rends plus sur la chaîne. Tu veux savoir quelqu'un qui se fait bien avoir pour pas être vulgaire? Je sais pas si tu te souviens, j'ai acheté aux filles une pouc, ce qu'on appelle une pouc, nous, chez nous. Les pulls moumoutes, la Stitch. Christmas Stitch. Ah oui. Oui. Qui m'ont coûté la blinde. Disneyland Paris. 3 semaines plus tard. Oh bah tiens, ils sont en solde à 50%. Ah, ouais. Mal, mais en fait, il faut rien acheter, hein. Faut attendre que les. Bah, j'étais bien vénère. Putain. Non, mais j'aurais été vert avec le. Si j'avais acheté le jersey à 80 balles. Ouais, bon. Donc, giga solde, c'est encore les soldes là, t'es retourné? Ça y était encore la semaine dernière, je ne suis pas retourné. Il y a de nouvelles démarques là, j'ai vu. Et là, profitez-en pour les passes annuelles. Moi, vous savez, des réductions sur les hôtels. Oui. Profitez-en. Et les billets amis aussi pour ceux qui. Les billets amis. Voilà. C'est que pour nos amis. Hein. Attention. Si vous n'êtes pas amis, c'est pas les billets pour femmes ou pour petit copain. Non, non. C'est interdit. Voilà, c'est fait. Que les amis. Vérifie d'ailleurs. Amis. Et que les amis. Oh, tu peux pas. Et vous avez pris votre place pour la Reine des Neiges. Pour aller voir le land World of Frozen. J'ai eu un bol, attendez, je vais arrêter avec ça. Raconte-nous ton expérience. Alors, mais j'ai arrêté la musique. Parce que j'ai tellement. Donc en fait, moi, je vais très rarement sur Instagram, par exemple. J'ai un peu de mal à suivre tous les réseaux sociaux, etc. Et puis, comme j'ai rendez-vous chez un médecin, et puis je suis dans la salle d'attente, et là, j'avais mon téléphone à la main. Et là, notification Instagram. Je regarde tout de suite ce que c'est, alors que normalement. Je ne regarde pas tout de suite ce que c'est. Et je vois que c'est une notification passe annuelle. Et donc, j'ai peut-être qu'ils vont annoncer les dates pour les réservations, etc. J'ouvre et je vois que les places étaient disponibles. Donc je suis un peu paniqué, j'ai relu trois fois le message, j'ai dit mais c'est pas possible, j'ai loupé quelque chose. Et ben non, ils avaient effectivement ouvert comme ça sans prévenir en plein milieu de l'après-midi. Ils me demandent le numéro de passe annuel, évidemment le passe annuel j'avais pas avec moi. Le temps que je comprenne que j'avais le passe annuel dans l'application, j'ai pu faire un copier-coller du numéro. Sauf qu'ils demandent la date de début de délivre, où était délivré le passe annuel. Et en fait, il y a un jour de décalage par rapport à la date de fin, qui est indiquée la date de fin uniquement sur l'application. Donc j'ai perdu 5 minutes, et malgré ça, tout ça, j'ai en 2 minutes, j'ai eu ma place pour la Reine des Neiges. Donc, le 15, tu y seras. Est-ce que tu spoileras aux gens ? J'ai loupé le créneau 14h et 14h15. Est-ce que tu... Quoi, t'as eu deux horaires, non ? T'en as qu'un ? Non, mais c'est-à-dire que ça a commencé à 14h. Ah oui. Celui-là, il était complet. Et j'ai eu le créneau d'après. Tu vas du coup filmer et puis diffuser, je pense, pour les gens. Oui, ouais. De toute façon, ça sera filmé avant de parler. Oui. Bah, nous, on y est le 25, mercredi. 25. Et on a réservé le 29. Moi, je serai le 27. J'ai réservé le 29 aussi, je me dis au cas où. Je sais pas trop si on ira, mais au cas où, j'ai le 29. Ah bah, nous, on y va, c'est mort. Les filles, si on n'y va pas le 29, c'est mort. Voilà. Puis je pense que le 25, j'aurais pas goûté tous les cocktails. Ce que j'ai peur, c'est le monde qu'il va y avoir, en fait. C'est ça qui me fait un peu peur. Bah, tu vas dans le parc principal, t'auras personne. Ça perd un peu l'intérêt d'y aller le 29. Bah, j'ai plus peur pour cet été, j'ai plus peur pour cet été, moi, pour le monde. Ouais, cet été, ça va être compliqué, je pense. Avec le spectacle qu'il y aura sur l'eau, machin, sur le lac, ça va être... Ça me fait pas peur, parce que c'est immense, la zone, quoi. Les gens vont s'étaler au du lac. Oui, aussi, c'est ça, fait la, ça fait la moitié du parc. Hein. Bah, regarde, à Epcot, ça marchait bien. Oui. À Epcot, t'as tout le monde qui se met autour du lac, t'es pas du tout enfermé. Ça double la superficie du parc, donc quand même, hein. Ouais, et puis j'ai envie de dire à Epcot, qu'est-ce que c'était bien de se poser, manger. Ah ouais. Se poser, manger. Se poser. On va pouvoir faire pareil. Manger. Se poser, manger. Tu prenais le bateau des fois pour traverser. Ouais. T'arrives à l'autre côté, tu fais, allez, je me pose, je mange. Voilà. En fait, tu rentres, tu pèses 70 kilos, tu sors, t'en pèses 73. Voilà. C'est ça à peu près. Mais En tout cas, pour la Reine des Neiges, on l'a pas dit, Disneyland de Paris l'a bien confirmé, il va y avoir une deuxième vague de réservation pour les mêmes dates. Vérifiez vos notes. Oh, ça va être plus grand que la zone Marvel, là, c'était plus chiant. Là. Mais, parce que... pas, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour rentrer, il y avait des... Il y avait des fils, et puis il y avait des parasols. Des parasols. Ah, là, je pense. Hein. Je pense pas qu'il y ait ça. Ça va sûrement... Bah si, pour éviter que n'importe qui rentre, parce que le parc il est ouvert. Oui, mais même après, une fois qu'il est ouvert. Ah, si, ils avaient laissé des barrières. Oui, ils avaient laissé les barrières le temps que... Ouais, pour... et puis... Mais là, c'est quand même immense la zone, donc je pense que ça sera ouvert normalement. Ça sera plus facile, après, ça va être compliqué pour faire l'attraction, je pense. Oh, ça peut être fluide, hein. Je suis pas convaincu. Le monde qui risque ça fera plus de place pour Crush. Et pareil, ceux qui ont la chance de pouvoir y aller pendant les... On a le droit, cette fois-ci, de pouvoir sortir de la zone et rentrer quand tu veux. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire, ça, par contre. C'est-à-dire que quand ils avaient fait l'inauguration pour l'Avenger Campus, si tu arrivais à 11h, que tu sortais à midi, tu n'avais plus le temps de rentrer sur le campus. C'est pour ça qu'avec Laurent, on avait passé la journée entière sur le campus. Et là, tu auras le droit de sortir et le droit de rentrer. Donc, c'est bizarre. En tout cas, ça va être sympa. Voilà. Ouais. Se balader autour du lac, profiter des décors. C'est quand même le plus gros changement depuis la création du parc. Hein. Ouais. Et surtout que derrière, ça aligne avec l'endroit. C'est à la limite, c'est un nouveau parc. Quoi, tu vois, hein, c'est tellement grand. Ça va doubler la taille du studio. Donc. Je pense qu'on se rend pas compte. Et en plus, on verra des personnages Marvel sur le lac. Ça, c'est bien. Oui, c'est vrai. Donc, ce qui paraît. Ça va être cool. Mais je me pose la question, c'est que vu qu'ils nous ouvrent, est-ce que chaque soir, ils vont faire un spectacle sur le lac? Non, je pense pas. Non, il y aura, pendant les previews, il n'y aura pas de spectacle, apparemment. Dommage, ça aurait pu être sympa de les voir. Ouais. J'avais entendu le contraire, moi. Non, moi j'ai lu sur plusieurs forums, enfin sur plusieurs Discord et plusieurs comptes qui disaient qu'il n'y aurait pas les... J'allais profiter pour tester, j'avais lu ça, mais après... Non, je sais pas. On verra bien. On verra bien. Oui, c'est déjà bien. Oui. Puis Disneyland Paris, c'est déjà bien. Donc, voilà. J'espère qu'il va y avoir Olaf dès le premier jour. Oui, c'est génial. Si, je pense. Je pense. Voilà, bon, du coup, on a fait le tour. Voilà, je pense qu'on a, on a pu parler des séries, puis on a fini sur, sur cette délicieuse goutte qui est news et goutte, comme on dit, dans, de Reine des Neiges. Donc voilà, on va voir comment ça va être. Olivier nous racontera sa première expérience, vu que c'est le premier arrivé. Allez, on termine le podcast, on vous let it go. Let it go. Magic, Magic Mouse Paris, j'ai été tout seul dans la lande Reine des Neiges. Bah, de toute façon, pas plus qu'à se débriefe tout seul. Ouais, tu débrieferas tout seul. Voilà. Et on dira oui, t'as raison, on te croit. Mais on non, te croit. Mais non, mais non, mais non. Tony, il va tu vas réussir à avoir le 15. Oui, mais si j'ai pas le 15, Laurent, je n'ai pas le 15. Aussi, oui, on sera tout seul. Gros bisous, les gars. Merci encore pour le podcast. 1h25, c'est pas mal. Voilà, pour un retour. Encore une fois, les gens, une très belle année à vous, en espérant qu'elle, qu'elle vous apporte bonheur, joie dans. Au travail, dans la vie privée, bien entendu, la santé, etc. Et je pense qu'on va se retrouver pour un deuxième épisode. Alors, les gars, je suis désolé, ça va être solo. Voilà. Et je sais, je vais encore avoir des reproches. Voilà. Non, mais on dit rien, on dit rien. On mais pas tellement, puisqu'Olivier, j'ai besoin de lui. Donc, du coup, il faut que j'envoie les. Alors, si je suis invité la prochaine fois, tu vas voir le doublage. Je vais pas comme ça. Je vais te faire Jeff Tuch. Jeff Tuch. Ah, oui, avec les Tuch. On m'invite pas une fois. On m'invite pas deux fois. Mais toi, trois fois. Ouais, je ferai la voix de Jacouille. Tu vas faire quoi? La voix de Jacouille. Tu vois. On va faire comme ça. Voilà. Bon, allez, sur ce, les enfants, je vous souhaite un bon, une bonne soirée. Un bon sport, parce que si vous êtes en train de suer en nous écoutant, bien, tant mieux. Voilà. Bon courage. Bon courage, ouais. Allez-y sur les biceps, sur les squats, je sais pas, il y a quoi d'autre, les crushs. Il y en a peut-être qui le. Peut-être qu'ils nous écoutent en faisant BTM aussi, ouais. On ne sait pas. Ouais. Hein. Ah ouais, faudrait essayer. Ah si, faudrait faire ça. Voir si les écouteurs tiennent pendant BTM. Ouais, c'est tendu là. T'en fais un bon, podcast, j'ai écouté... Non, il a fait une vidéo. J'ai écouté un podcast en faisant BTM. Ça peut être drôle. Voilà. Allez les gens, bonne soirée ou bonne journée. Un peu importe à l'heure où vous écoutez ce podcast. Allez, bye. Ciao.